Unité 3, 2, A. 1. Tu sais ce que tu vas faire, toi, Lucas, ce week-end ? Non, je n'ai pas trop d'idées. Et toi ? Moi, samedi, j'ai bien envie de faire du roller. Si ça te dit, on peut y aller ensemble ? Oui, samedi bien, oui. Ça me donnera l'occasion d'apprendre. Tu n'iras pas trop vite, hein ? 2. Salut, Nat. Ça te dirait d'aller à un spectacle de marionnettes dimanche ? Il y a un super festival en ce moment, au Théâtre du Rond-Point. Un spectacle de marionnettes ? Non, pas vraiment. Et puis, j'ai prévu de prendre un cours de jonglage avec Franck. Ça ne te dirait pas mieux de venir avec moi, plutôt ? Ben non, j'ai déjà mon billet, dommage. Une prochaine fois. Ok, tu me diras comment c'était. 3. Lise, avec Eric et Marco, on va s'inscrire à un atelier de dégustation de vin. Ça te dirait de te joindre à nous ? Ah ouais, c'est une super idée, mais c'est quand ? C'est samedi et dimanche au resto Le Provençal, de 18h à 19h30. Et on peut s'inscrire quand tu veux. C'est pas trop cher ? Non, ça va. Et en plus, il y a des réductions pour les groupes de plus de 4 personnes.